Oui, mais ça, c'est le titre. Après, ça, ça va plus petit. On continue dans le livre des actes. Puis, j'ai passé comme 20 minutes à essayer de trouver un titre à cette prédication. Puis, je ne me suis pas décidé, ça fait que j'en ai mis deux. Comme dans les anciennes pièces de théâtre. Là. On va parler de la possible influence de nos anciens péchés dans notre vie, aujourd'hui, en tant que des enfants de Dieu. Puis on va aussi parler de sur comment Dieu forme ses ouvriers étant nous autres. Le passage, il parle de plusieurs choses, en fait. Ça, c'est juste deux tableaux que je vais juste vous montrer, là. On pourrait juste voir d'autres points de vue. C'est un passage qui, à première lecture, semble difficile. Ça m'a pris pas mal de lectures, de discussions avec mes frères pour arriver à certaines conclusions. Puis je vais vous poser des questions, ça fait que restez réveillés. Donc on va direct dans le texte, on va lire le texte au complet. Il y a comme trois portions dans Acte 8. Juste comme introduction, ça ne fait pas partie du texte d'aujourd'hui, mais on va lire le verset 1, 8-1. Ça dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Ça, vous vous rappelez, on a déjà étudié ça en profondeur. Donc, c'est la suite de la mort d'Étienne. Il y a eu, ce jour-là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. C'était la grande église, il y avait des milliers de personnes. Et tous, excepté les apôtres, gardez ça en tête, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, on passe de, je ne sais pas combien, là, 2000, 3000, 5000 personnes à 12. 11, en fait. Donc, c'est juste les apôtres qui restent à Jérusalem, le restant s'en va dans toutes les directions. Puis, donc, c'est là, qu'on commence le texte d'aujourd'hui, c'est après cette, ou pendant que ça se passe, cette dispersion. C'est dans le verset 4, on va lire le verset 4 à 25. Donc, ça dit, ceux qui avaient été dispersés, donc, toute l'église de Jérusalem pratiquement, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient, à Simon, attentivement, et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » C'est comme ça, c'est la vraie puissance de Dieu, là. Simon. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il leur crut à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, donc ça c'est comme le deuxième tableau, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, les apôtres. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Tous les Samaritains. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, « Accordez-moi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni peur ni lot dans cette affaire, car ton cas n'est pas droit devant Dieu. » Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amas et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qui ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Le verset 25, « Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. » Ça, c'est le texte pour aujourd'hui. Je demanderai à Jean-Claude si on peut prier avant d'embarquer dans le vif des sujets. Merci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente la Samarie. En fait, toute la Palestine, là. Pour ceux qui ne voient pas, je vais vous expliquer un peu. Ça, c'est la Méditerranée ici. Ça, c'est le Jourdain. La mer de Galilée, la mer Morte. Puis, on va voir, bon, pour ceux qui savent, là, la province de la Palestine, là, à ce moment-là, d'Israël, est divisée en trois morceaux pour les Romains. Il y a toute la partie de Judée ici en bas. Il y a la Samarie au milieu en sandwich. Et il y a la Galilée en haut. Ça, c'est pas nouveau, là. Ça, cette division n'est pas nouvelle. Puis, ce qui arrive, c'est que les Juifs, ils avaient soit ici, soit là. Mais au milieu, il y a les Samaritains. Puis, ils ne sont pas des Juifs. En fait, les Juifs, les de l'Est, parce qu'on va voir pourquoi, en fait. Mais c'est là que Philippe s'est rendu, en échappant de la Judée, là, de la dispersion, mais lui, il s'est rendu quelque part en Samarie. Certains textes, ils parlent de la capitale de la Samarie, mais ce n'est pas grave, c'est quelque part là au milieu. Donc, Philippe en Samarie, c'est qui Philippe? Mais ce n'est pas le Philippe apôtre, parce qu'il y a tout plein de Philippe, là. Il y a tout plein de Simon aussi. Mais ce Philippe-là, c'est le Philippe serviteur de l'Église. Diacre, si vous voulez. Cherchez avec moi, on a lu ça, ça fait partie du groupe à Étienne, là. C'est dans Acte 6, un peu avant. Dans Acte 6, versets 3 à 5. Donc, vous vous rappelez de l'épisode où les apôtres, mais il y a eu une certaine problématique avec la distribution de la nourriture, ça fait qu'ils demandent à l'église de Jérusalem, mais choisissez quelques personnes remplies du Saint-Esprit pour faire ce travail, comme ça, on est capable de s'en occuper d'autres choses. Donc, ça dit, verset 3, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et qui nous chercheront de cet emploi, dans distribuer la bouffe. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, cette proposition plut à toute l'Assemblée. Il est lu Étienne, en plein de foi de Saint-Esprit, Philippe. On arrête là, c'est ce Philippe-là dont on parle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Philippe jusqu'ici? Mais c'est qu'ils ont demandé les apôtres. C'est quelqu'un de qui on rend un bon témoignage et qui est plein de Saint-Esprit et de sagesse. Point. Donc, ce Philippe-là, il quitte Jérusalem, s'en va en Samarie, puis il va prêcher aux Samaritains. C'est qui les Samaritains? Les Samaritains, c'est les personnes qui habitent en Samarie. Puis, il faut comprendre qu'ils croient en Dieu, mais ils se croient aussi à d'autres choses. Puis, pourquoi est-ce qu'ils sont détestés des Juifs? On va très brièvement aller dans l'histoire, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans Deux Rois. On ne lira pas toute l'histoire, mais juste assez pour vous donner un aperçu, puis ensuite je vais vous expliquer. Deux Rois 17. Le verset 24. Donc, ce qui arrive, c'est que, autant de fois que les Israélites ils se révèlent contre l'Éternel, mais il y a le roi de la Syrie dans ce moment-là qui va envahir, massacrer, puis capturer le monde qui reste en Israël, puis il va les déporter comme esclaves en Assyrie. Ce qui arrive, c'est qu'il n'y a presque plus personne qui reste en Palestine. Il n'y a presque plus d'Israélites, juste ceux qui sont pu échapper, là. Mais dans ce contexte-là, le roi, verset 24, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone de Kuta, d'Ava, de Hamat, de Sepharvaim, donc d'ailleurs, des païens. Et les s'établit dans les villes de Samarie, dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Donc, territoire vide, il n'y a plus d'Israélites. Le roi de la Syrie envoie des étrangers pour prendre possession de l'endroit. Il y a déjà des villes construites, là, il faut juste s'établir. Verset 41, ensuite, même chapitre. On va sauter toute l'histoire. Donc, ces nations-là qui s'y sont établies en Samarie, ces nations craignaient l'Éternel, parce qu'ils ont appris ça de la culture locale, de ce qui restait, et servaient leur image. Aussi, parce qu'il y avait des dieux qui venaient avec. Ils ont été comme implantés là-dedans, puis ils venaient avec ces dieux à eux. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Autrement dit, ils vont adorer et l'Éternel et toute une panoplie d'autres dieux. Là. Okay? Si vous lisez les 20 versets qu'on vient de sauter, là, il y a tous les dieux qui sont énumérés. Fait que, premièrement, les Juifs détestent les Samaritains parce qu'ils sont des squatters. Ils se sont installés à un endroit qui appartenait, c'est la terre promise d'Israël. Ils occupent cet endroit partiellement. Ils sont en sandwich entre les deux morceaux d'Israël. Puis ensuite, sont hérétiques, sont blasphèmes. Là. Ils vont adorer l'Éternel, mais aussi d'autres dieux. En fait, ils n'ont même pas le droit de se rendre à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Ils vont le faire ailleurs. Donc, pour les Juifs moyens, là, les Samaritains, c'est des citoyens comme de vraiment deuxième classe. En fait, c'est pas par accident que quand Jésus parle de la parabole du bon Samaritain, vous rappelez, là, il prend des scribes, de Lévites, des sacrificateurs comme l'exemple. Ça, c'est comme en haut de la pyramide sociale là, des Juifs. Puis, il prend, ça c'est le mauvais exemple, mais le bon exemple c'est ce qu'il appelle le bon samaritain, parce que il était pas censé, supposément il n'y avait pas de bon samaritain, ça fait qu'il prend ça juste pour faire le contraste, juste vous donner une idée jusqu'à quel point c'est dans la culture de laisser les samaritains. Ensuite, on a parlé de Philippe, on a parlé des samaritains, l'autre personnage qu'on voit ici c'est Simon. Simon c'est quelqu'un de ce coin-là, qui s'est établi, c'est un magicien. Magicien c'est quoi? Mais à l'époque... Ça voulait dire plusieurs choses. Puis on n'est pas trop sûr à partir du texte, les mots à l'origine. Mais soit qu'il était un sorcier, ou il était un astrologue, ou les deux. OK? Mais il faisait des choses qui étaient étonnantes au peuple. Ça pourrait être de la vraie magie, là, en adorant les démons, ou ça pourrait être juste de la prestidigitation. On ne sait pas. Mais certainement, dans tout ça, c'était mêlé l'astrologie aussi. C'était très courant à l'époque. Puis, et on va voir comme... linguistique là, pour ceux qui ne sont pas au courant mais les péchés qu'on identifie ici de la part de Simon, on appelle ça la simonie. Simonie c'est vouloir acheter avec de l'argent un faveur religieux, okay? Et puis quelqu'un qui pratique ça c'est un simoniaque. Puis vous savez d'où ça vient, vos jurons là, ça vient de là. Mais ça, c'était quelque chose de très condamné à l'Église. C'est considéré un des premières hérétiques par l'Église catholique. Donc, c'est quelque chose qui était très présent dans la doctrine, dans les discussions par rapport à l'hérésie au départ de l'Église catholique. Donc, ça, c'est tous les personnages de l'histoire. Il y a les apôtres aussi que vous connaissez déjà. Ça fait que pas besoin d'introduire. Donc, ici, on voit, si on retourne dans notre passage de Acte 8. Donc, je voudrais faire un contraste entre Philippe, le serviteur de Dieu installé en Samarie qui prêche l'Évangile, et Simon. Mais on pourrait dire, c'est des personnes vraiment différentes. Pour vous, peut-être. Mais pour les Samaritains, ce n'était pas si clair que ça. Là. Si vous lisez, laissez-moi y trouver. Par rapport aux Samaritains, par rapport à Simon, dans le verset 11, il dit que eux, les Samaritains, l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ce sac de magie. Puis plus que ça, ils vont dire, dans le verset 10, tous, par rapport à Simon encore, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement à Simon et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, majuscule, donc l'Éternel, celle qui s'appelle la grande puissance, hey, c'est évident, il fait de la magie, mais il fait, c'est pas la distinction entre ça, vous voyez qu'il fait des choses miraculeuses, là, en fait. Ça fait que pour les Samaritains, c'est un envoyé de Dieu, là. C'est pas compliqué. C'est la puissance de Dieu incarnée, là. OK? Simon. Mais dans ce contexte-là, Philippe arrive. Ça fait que ça nous arrive aujourd'hui aussi. On voit deux personnes qui semblent, pour la foule, là, pour le public général, de venir de la part de Dieu. Ou c'est la déduction qu'on fait, là. Fait que, en tant que public. Mais ici, on voit un contraste vraiment marqué entre Philippe et Simon. Premièrement, Philippe, on voit dans le verset 5, c'est quoi qu'il fait? Lui, là, il ne faisait pas de la magie, il ne faisait pas d'actes étonnants, il ne faisait pas de présentations publiques comme ça. Il prêchait Christ. Donc, ils ont appris ça des apôtres, puis c'est la façon de faire. Ils s'en vont dans une ville à l'autre, prêchent Christ. Ça, c'est le job. Mais en faisant ça, aussi, le Saint-Esprit s'est manifesté en lui. Donc, son travail principal, là, c'était prêcher Christ. Okay? Puis c'est ça qui est c'est le centre de son ministère. Mais pendant qu'il faisait ça, le Saint-Esprit s'est manifesté en lui. Le verset 7, ça dit, « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Donc, on voit la manifestation du Saint-Esprit à travers Philippe. Donc, on voit des miracles, des vrais miracles qui arrivent. Puis, troisièmement, quelque chose qu'on remarque de la part de Philippe, d'un vrai serviteur de Christ, de Dieu, dans le verset 12. Mais quand il leur crut à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. L'emphase, le point central de la prêche de Philippe, c'est pas lui, c'est Christ. Il annonce la bonne nouvelle, qu'il connaît pas les Samaritains, c'est quelque chose qui s'est passé ailleurs, il vient annoncer ça, puis il parle de Christ, du salut en Christ. C'est le centre de son message, il revient tout le temps. Okay? Et puis la bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les évangiles. Okay? Fait que ça, c'est un vrai serviteur de Christ, quelqu'un qui est centré sur Christ, et quand il fait des choses, mais il les fait par action de l'Esprit Saint. En contrepartie, on a Simon, un autre candidat envoyé de Dieu, là, si vous voulez. C'est quoi les caractéristiques de Simon? Mais premièrement, l'attention est centrée sur lui. Là. Vous voyez dans le verset 9, ça dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, donc lui-même, il a une haute estime de soi-même, vanité, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc on voit que c'est quelqu'un qui, dans le verset 9, l'attention était sur lui, la vanité, il se croyait quelque chose. On ne voit pas ça dans les serviteurs de Christ, on va voir souvent plus tard dans les épîtres, Paul et Pierre, tout le temps en se disant qu'ils sont les moindres des serviteurs de Christ. Okay? C'est plutôt le contraire que Simon ici. Dans le verset 10, on voit que lui, il s'est laissé attribuer la puissance de Dieu. Okay? Ça, c'est la grande puissance de Dieu qui agit à travers Simon. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement à Simon et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Donc, c'est un rockstar, là, ce qu'on appellerait aujourd'hui. On voit dans le verset 11 aussi que le monde était étonné. C'est quelqu'un de charismatique, d'étonnant, c'est quelqu'un qui attire des regards, c'est quelqu'un qui probablement sait très bien comment parler, comment se présenter en public. C'est son business, là. Mais on voit aussi dans le verset 13, ça dit, Simon lui-même crut. À ce moment-là, ça veut dire qu'avant, là, il ne connaissait pas Dieu, vraiment. C'est pour la première fois, il fait face vraiment à la bonne nouvelle, à l'évangile, puis il croit. Ça fait que jusqu'à ce moment-là, avant, là, il n'était pas un vrai serviteur de Dieu, il ne connaissait pas la bonne nouvelle. Mais pire que ça, dans le verset 9 aussi, on voit qu'il faisait la magie, c'est des pratiques qu'on amenait de Dieu depuis le début de la Bible, pratiquement. C'est parmi les premiers commandements que le peuple d'Israël reçoit, c'est pas de magie, pas d'astrologie, oublie ça. Là. Puis lui, c'est ça qu'il fait, et c'est ça la source de l'étonnement, en fait. Puis, finalement, verset 13, Simon lui-même crut après avoir été baptisé et ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ça fait que là, il passe d'être la rockstar à faire partie du public. Il est étonné. Donc lui-même, il est superficiel comme les Samaritains qui sont autour de lui, qui sont waouh. Ce qui l'intéresse, c'est ce que Philippe fait, puis comment impressionnant que c'est. Ça fait que lui-même, c'est quelqu'un de superficiel. Donc, vous voyez, ça c'est un portrait, c'est vraiment Philippe, quelqu'un de vraiment spirituel centré sur Christ, versus Simon, quelqu'un centré sur soi-même, sur son statut social, si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui, on dirait oui, c'est ça, un rockstar. Là. Puis, vous pourriez dire, OK, mais là, ça, franchement, ça ne s'applique plus aujourd'hui. Des personnes là qui vont proclamer qu'ils sont capables de faire la magie ou pas ouvertement de même, là, qu'ils sont capables d'avoir accès à un pouvoir. Vraiment, là, ici, au Québec, au Canada, franchement, ça ne marche plus, cette affaire-là. Bon, je vous annonce, là, ça, vous ne voyez pas. Mais ça, c'est le palmarès que j'ai pris. Ça, c'est juste deux journées, là. C'est deux colonnes, là. J'ai fait juste une capture d'écran. C'est le palmarès de nouvelles d'un journal anglophone, Global Mail. Sans faute, à tous les jours, sans faute, parmi les premières, deuxièmes ou troisièmes nouvelles la plus lue au Canada, c'est l'horoscope. Ça fait que... Dites-moi pas que les gens ne croient pas à ça, parce qu'ils vont tous... vont tous aller lire ça. Là. Probablement, il ne le dit pas ouvertement, ou oui, je ne sais pas, mais sans faute, là, allez au matin, là, puis plutôt vous allez, plutôt que vous allez voir l'horoscope en première place. Pourquoi? Parce qu'avant de commencer sa journée, le monde, il a besoin de savoir, là, qu'est-ce qu'il attend. Ça fait qu'il se change ça comme si c'était un boussole. Ça, c'est parmi les anglophones, mais franchement, je pense qu'ici, c'est pas mal pareil au pire. Là. Fait que ça, c'est pour dire, ça, c'est toujours d'actualité. Les choses qui nous étonnent parce qu'on ne les comprend pas, puis on pense que ça vient d'un pouvoir supérieur, puis etc. C'est vrai partout, là, ici aussi. Donc, le centre de la première moitié de ma prédication, c'était l'influence de nos anciens péchés, de notre ancienne vie, dans notre vie actuelle, en tant que des enfants de Dieu. Surtout pour ceux qui se sont connu Christ quand ils étaient plus vieux, comme moi. Là. Mais il y a une vie qui vient avant ça. Puis il y a des choses qu'on a fait. Puis ce sont des choses que des fois ils viennent nous chercher. Des fois, c'est des choses qu'on a fait après avoir été né de nouveau, mais ils viennent nous chercher davantage. Fait que, ici, on voit un très bon exemple. Donc, je vais décortiquer la vie de Simon le plus possible pour essayer de comprendre ce qui arrive à Simon. Pourquoi est-ce qu'il arrive à faire ce qu'il a fait? Donc, premièrement, on voit dans le verset 9, on a déjà lu à plusieurs reprises, que Simon vivait dans le péché. Il était pratiquait la magie, c'était le centre d'attention à partir de ça. Il était attaché à ça. Sa pratique quotidienne, là, c'était quelqu'un qui était vraiment rendu célèbre. C'est une célébrité parmi les Samaritains. Ensuite, qu'est-ce qui arrive dans le verset 13, on vient de lire? C'est que Simon lui-même, mais il va croire, puis il va baptiser. Ça fait que, ça dit, on va lire ça. Simon lui-même crut, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Ça fait qu'en plus, c'est le plus semblable à un disciple, si vous voulez. Là, il est resté accroché à Philippe, la journée là. Donc, mais on voit qu'il a cru, il a été baptisé, puis il reste avec. C'est pas qu'il a pris, il s'en va. Il reste dans ce groupe-là. Donc, dans ce contexte-là, ce qui arrive, c'est que, c'est ma compréhension, il n'y a rien qui m'indique que Simon ne croyait pas en Christ. Il dit qu'il a cru, il était baptisé, puis il restait avec Philippe. Dans ce contexte-là, ce qui arrive, c'est que, comme ça arrive à peu près à tout le monde, je pense, mais il y a une ancienne nature. Là. Simon, il est libre de laisser son péché. C'est comme un sac à dos. Hein? Ça te charge, ton passé. Okay? Il est libre de laisser ça, puis dire, OK, c'est une nouvelle créature. Là. Ça, c'est passé. Je demande pardon à Dieu, c'est pardonné, passe autre chose. Recommence. Okay? Mais, volontairement aussi, des fois on garde ce type de choses sur nos épaules. Donc on voit ici, c'est quoi le problème avec Simon? Mais son problème, c'est ce qu'il était avant. Juste un instant. Ce qu'il était avant. Avant qui il était? Mais il était quelqu'un, t'es au milieu tout le temps. T'es le centre d'attention. T'es quelqu'un qui était reconnu comme la grande puissance de Dieu. C'est quelqu'un qui est capable d'opérer des miracles. C'est quelqu'un qui est toujours au centre. Maintenant, il est rendu, peut-être, au rôle de disciple. Il reste avec Philippe. Puis il est étonné lui aussi. Il fait partie de la gang de s'étonner. Mais il n'est plus vraiment là au milieu. Fait que, dans ce contexte-là, il est tenté. Il est tenté pourquoi? Mais là, est-ce que je pourrais, dans ma nouvelle nature, là, accommoder aussi mon passé? Ça serait bon, hein? Parce que là, je vois que ça va au-delà de ce que j'ai je suis Simon. Ça va au-delà de ce que je pouvais faire auparavant. C'est pas juste de sa forme surnaturelle, mais en plus, faire descendre le Saint-Esprit sur les personnes. C'est juste ça qui me manquait, là. Il voit ça comme une amélioration, là, un upgrade. Okay? Fait que, dans ce contexte-là, il est tenté. Versets 18 et 19, ça dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir de donner le Saint-Esprit, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez? Il veut retourner dans ses anciennes voies. C'est carrément ça. Plus, ajouter qu'il ne délaisse pas Christ, là. Parce qu'il veut le Saint-Esprit, il veut même le pouvoir d'être capable de donner ça. Il essaie de composer les deux ensemble. Pensez-y, là, dans votre vie ou dans la vie de vos proches, là, des choses qui viennent vous chercher, là. Puis vous essayez de mettre ça ensemble avec votre vie en tant que de nouveau-né. Simon est poigné avec ça aussi. Fait que, qu'est-ce qui arrive dans cette situation? Il est tenté, on est tous tentés. Okay? Tentation, ce n'est pas péché. Mais il est exhorté par la suite. Pierre va lui parler. Il peut dire, verset 20, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'agrée au prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Autrement dit, là, tu ne peux pas avoir ce don-là. De donner le Saint-Esprit, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fil amer et dans les liens de l'iniquité. Puis si vous permettez, je vais vous relire le verset 23 dans la version Sama. Je trouve que c'est plus clair. Ça dit, car ce que je vois, Pierre, en toi, Simon, c'est que tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. Cadenassé, enchaîné, en prison, c'est ça que ça veut dire. Ce que Pierre voit, c'est quelqu'un qui est captif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moment de question. C'est quoi être captif du mal? C'est quoi ça, la délivrance? Ouais. Mais dans le contexte spirituel, c'est quoi la délivrance d'un péché? Ok, ça commence là, oui. Oui, quoi d'autre? Quoi? Demander pardon. Ouais, c'est ça. Ça fait que... On va voir. Quoi? Quelqu'un? Ok. Donc, il fait face à une tentation, comme on fait tous face. Il est captif. Il y a quelque chose de son passé qui le tient. Il fait un tac. Il s'est enchaîné à ça. C'est pas quelque chose d'évident. Même pour Pierre, ça prend que Simon parle pour se rendre compte de ça. Parce que ça dit que Simon, en l'écoutant, il a vu ça. Puis il dit, verset 23, à ce que je vois, en analysant tes actions, ce que tu fais, ce que tu dis particulièrement, mais je vois que tu es toujours pris dans un ancien péché. Maintenant, c'est quoi la réponse de Simon? Je trouve ça excessivement intéressant. J'ai déjà entendu ça dans la vie quotidienne, là, des situations semblables. Donc, il se fait exhorter, puis il a aussi des actions concrètes à prendre. Pierre explique ce qu'il faut faire. Mais lisons le verset 24, la réponse de Simon. Alors Simon demanda à Pierre et Jean, « Priez vous-même, vous, les apôtres, le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. J'écris, trouver l'erreur dans le verset 24. Il y a quelque chose de bizarre là, dans la réponse de Simon. Un peu plus fort? Ok, pourquoi tu déduis ça? Ça, c'est vrai. Des fois, on se sent pas assez bon pour aller devant Dieu. Quoi d'autre? Pourquoi, d'après vous, Simon pourrait avoir cette réaction? Dans le cas de Simon en particulier, oui? Je veux dire, nous autres, on fait ça, on va chercher les frères et les sœurs, on va leur demander de prier avec moi. En tout. Priez pour moi. Priez-vous pour moi, là. Je vous donne une piste de solution. C'était qui, lui, avant, là? Avant d'être converti, là. C'est quoi qui fait ça? Il faisait la magie. Il se fait dire que la grande puissance de Dieu, là, lui, il est puissant. Lui, il peut faire des choses. Puis, en fait, il faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Là, il vient de rencontrer un groupe de personnes qui sont plus puissants que lui, là, si vous voulez. Ils font des choses qui vont même au-delà. Ça fait qu'ils sont, par déduction, si ça reste dans ma vision pécheresse de la chose, mais ils sont plus puissants que moi. J'étais puissant, ils sont plus puissants que moi. Mais sa prière est plus puissante que la mienne. C'est ça. Ouais. Mais il y a une possibilité de s'en sortir. Sans doute. Et je vois ça. Mais là, est-ce que Simon l'a saisi, ça, je ne sais pas. Pas tout. Et justement, le contraste que je voulais voir, là, c'est ma prochaine diapo, c'est quoi qu'il aurait dû faire? En fait, Pierre lui dit quoi faire, là. C'est juste qu'il passe complètement à côté, parce que dans sa tête, il n'écoute pas. Ça vous arrive, là, de parler à des personnes, puis vous êtes en train d'annoncer l'Évangile, puis on dirait qu'ils sont en train d'écouter la radio, là, je ne sais pas, là. Ils ne vous écoutent pas. Ils sont confondus. Il y a quelque chose devant là, qui bloque. Okay? Fait que l'exhortation de Pierre, c'est justement, allons lire ça, là. Verset 22. Détourne-toi donc du mal, donc arrête. Okay? Ce que tu fais, là, fais-le plus. En partant. Deuxièmement, demande au Seigneur de te pardonner. Donc, repends-toi, va voir Dieu. Donc, stop, va voir Dieu, puis fais la paix avec, là. C'est ça le pardon. Lui, il comprend pas ça. Il dit, OK, là, j'ai un problème, là, réglez mon problème. C'est ça qu'il dit. Vous êtes puissant comme il faut, là, pas comme moi, là. Moi, je viens de me rendre compte, là, que ma puissance est limitée. Fait que, mais vous, là, ça va aller, là. Si vous parlez à Dieu, là, ça va passer, là. C'est certain. Ouais. Exact. Donc, vous voyez, il est comme poigné au milieu, là. Il croit à la puissance, il croit aux apôtres qui sont envoyés de Dieu, il croit que ce que les apôtres disent, ça pourrait lui arriver. Donc, il ne laisse pas ça de côté. C'est juste que dans sa façon, il pense encore de l'ancienne façon. Ça me prend quelqu'un de puissant. Avant, c'était moi le puissant. Là, il y a quelqu'un d'autre. J'aimerais être si puissant que ça, je viens de demander, ça ne marche pas. Ça fait qu'à la place, c'est eux qui restent puissants, mais qui s'en occupent de moi. Ils sont écrits aujourd'hui dans des livres. Simon, là, ça ne s'est pas écrit instantanément, ça a été écrit plus tard. Et Simon entend la parole de Pierre, où il vient de voir faire un miracle à Pierre, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est descendu sur une petite foule, beaucoup de personnes. Ouais. Donc, il y a une crainte qui s'empare de lui, une véritable crainte, et ces personnes-là ont dit de lui, regarde, tu vas périr. Ça va mal, oui. Mais c'est un très... Oui? Vas-y. Mais tu vois, là, je pense que là, c'est carrément ça. Dans le. Laisse-moi trouver ça. Ouais. Lui-même, là, Simon, il est étonné. C'est ça que je disais tantôt. Il passe d'être le centre d'attention qui fait le passe-passe miraculeux à faire partie des étonnés. Okay, qui de ce spectateur. Puis il reste collé à Philippe à cause de ça. Tu vois, dans le verset 13, ça dit, Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Il était devenu un spectateur. Mais là, quand les miracles suprêmes, qui c'est le don du Saint-Esprit arrive, là, il n'est plus capable. Il faut qu'il réagisse, là, il ne peut plus rester un spectateur. Il veut l'avoir, ça. Convoitise, oui, c'est ça. Ça, je ne sais pas. Ouais, faudrait vous chercher un peu plus cher. Parce que tous les autres là, qui étaient là ont aussi des choses, ils ne sont pas racontées, mais ils racontent celle de Simon. Et les autres qui étaient présents, là, ils peuvent nous en faire aussi. Là. Ouais. On est attaché à d'autres choses aussi. Il faut concéder notre dépôt, ce qui vient en vain, et prendre la peau nouvelle que Dieu nous donne. C'est bien pas facile. C'est ça le combat ici. Puis les combats à Simon, là, c'est juste pour répéter un peu ce que Jean-Claude disait. Il y a l'ancienne vie à Simon, la nouvelle vie. Puis dans sa tête, là, il essaie de concilier les deux. Ah, mais ça pourrait fonctionner, là. Ça pourrait fonctionner que je continue à être vraiment le rockstar que j'étais. Ça me prendrait ça, par exemple. Puis c'est pas mauvais, là. C'est quoi le problème de donner le Saint-Esprit? Écoute, c'est super. Ça fait que dans sa tête, mais ça fait beaucoup de sens. Mais ça, c'est pas de Dieu, là. Ça, c'est la tête de personne, là. Ben, c'est pas trop grave, là, cette affaire, si je l'ai fait pour Dieu. Ah, c'est ça qu'il essaie, hein. Ah, si à la place de faire la magie juste pour étonner les mondes, là, si je l'ai fait pour Dieu, pour donner le Saint-Esprit, c'est bien. Donc, est-ce qu'il faut payer pour ça? Ben, je veux payer. C'est correct. C'est pas grave. Ouais. Il y a un autre point aussi important. Il y a des témoins qui regardent tous les Samaritains qui ont reçu le Saint-Esprit. Là. Quand Pierre reprend Simon devant eux, qu'est-ce qu'il est en train de dire aux Samaritains? Ça ne marche plus comme ça. Là. Simon, ça ne sera pas. Ne continuera pas à faire des actes de magie. Vous allez continuer à vivre comme ça en étant croyant. Mm-hmm. Il y a un enseignement qui est donné à l'Église de Samaritains. Puis, juste pour avancer, il me reste quelques points. Ici, j'ai énuméré les choses qu'il aurait fallu qu'il fasse, Simon. Premièrement, c'est de tourner du mal. C'est la première chose que Pierre dit, là. Arrête. Stop. Ça ne marche pas. Mais deuxièmement, demande pardon à Dieu. Toi, là, on the spot. OK? Verset 22. Mais il y a une troisième chose qu'il aurait dû faire. Puis souvent, quand nous, on est exhortés, puis ça pourrait arriver aussi, en dépendant c'est quoi notre péché. C'est quoi son péché ponctuel là, qu'il a fait face à Simon, à Pierre, Simon? Oui, mais cela a amené à faire quoi? Il l'a offert l'argent. Maintenant, c'est toi, Pierre, je dis, hey, ça coûte combien là? 1 000 $? Il est en train de tenter Pierre. Là. Lui-même. Ça fait qu'après avoir arrêté de faire ce qu'il faisait, après avoir demandé pardon à Pierre, il faut regarder autour là, et dire, OK, là, ce que je viens de faire, est-ce que ça fait de quoi aux autres personnes? Ah, Pierre, là, franchement, là, j'étais dans les champs. Excuse-moi de t'avoir tenté, parce que c'était une tentation pour Pierre aussi, là, l'offrir de l'argent. Je ne sais pas combien d'argent que Pierre avait, c'était riche, je ne pense pas. Là. Fait que là, on vient de l'offrir l'argent. Là. Fait que, dernière chose, c'est quel dégât que j'ai fait en faisant ce que j'ai fait. Okay. Mais ça reste que par la suite, Simon et toi et moi, là, ça pourrait revenir, ça. La tentation qui revient. Okay. On essaie de la garder, là, l'éloigner le plus possible, mais ça revient. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la tentation? Ouais. Puis la repousser. Il y a... C'est la première fois que je vois ce passage comme ça. C'est la première fois, je pense, que dans la Genèse, si vous allez dans la Genèse 4, quand Dieu parle à Caïn, c'est intéressant, c'est que Dieu dit à Caïn, Genèse 4, 6 et 7, ça dit, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? » Vous connaissez tous l'histoire. Mais c'est rendu là. Mais les mots qui suivent sont clés. Si tu agis bien, tu te relèveras. C'est pas, va penser à ce que tu as fait, reste dans son coin puis pense-le. Oh, médite-le, pense-le, fais-moi un essai, écris-le puis exprime-moi pourquoi est-ce que c'est mal. Non, agis bien. Action. Fais quelque chose, là, on the spot. Tu peux pas rester à ruminer ton affaire. Faut que tu agisses, oui? Oui? Mais tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est un péché. C'est une pratique qui est condamnée de Dieu depuis toujours. Pourquoi? Parce que la magie est surnaturelle, mais qui tu penses qui donne le passe-passe au magicien, là? Mais c'est des démons, c'est le diable. Ça fait que tu es en train d'avoir une communion avec le diable en faisant la magie, là. Fait que, mais ici, là, c'est quoi l'action? Agis bien, l'Éternel dit à Caïn. Agis bien, là, on the spot, là. Puis le péché va s'éloigner. Là. Je vous donne un exemple d'action pour éloigner la tentation. Je suis en train de regarder une émission. Okay? Puis il y a des scènes-là qui viennent me troubler. Là. Peu importe quel type de scène, là, ça vient de me troubler, puis me met des idées en tête. C'est quoi l'action? Change de poste. Je ne sais pas, là. Va faire d'autres choses. Un frère l'autre fois, mais la même chose me racontait la musique. Il y a certains types de musique, là, que quand j'écoute ça, tourne le piton. Action. Il ne faut pas rester devant la tentation à dire, ah, il ne faudrait pas que je sois tenté par ça, puis on va forcer. C'est pas ça, là. Agis bien. Mets ça à côté. Mets ça dans la poubelle, là. Je ne sais pas. Tourne-toi de bord. Fais quelque chose. Quoi? Ouais. Mais résister encore une fois, c'est il y a quelque chose à faire là. C'est pas essayer de mettre un carapace là, puis j'espère que ça va passer. Non, non, t'as une action à faire là. Maintenant, on va sauter de track. On va passer à la deuxième partie. C'est beaucoup plus courte. Mais ça vaut la peine de le clarifier. Parce qu'il y a un événement assez spécial qui se passe ici. On a passé vite à travers, mais là, on va... Les apôtres, là, sont en train de donner le Saint-Esprit. C'est quoi cette affaire-là? Lisons le verset... Revenons dans Actes 8. 14 à 17. Donc, on va laisser Simon de côté. On va se centrer sur les apôtres maintenant. C'est le deuxième titre de ma prédication, c'est que Dieu forme ses ouvriers. Ses ouvriers, c'est toi puis moi. Et les apôtres, dans ce cas. Donc, verset 14, quand les apôtres restaient à Jérusalem, parce qu'ils sont les seuls qui n'étaient pas partis, apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu. Ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux, les nouveaux disciples. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent les mains, donc, mettre les mains, puis prier pour, et ils reçurent le Saint-Esprit. Pourquoi je vais m'arrêter ici? Il faut comprendre ça dans son contexte. Ce n'est pas quelque chose qui arrive normalement dans les conversions qu'il faut faire ça en étape, c'est comme... Il faut se convertir, il faut se baptiser, puis il va recevoir le Saint-Esprit. En fait, on voit multiples exemples, même dans les livres d'actes, où ça ne se passe pas comme ça. La première fois que le Saint-Esprit est donné, ça arrive comment? Vous vous rappelez? Mais, moi, oui, le jour de la Pentecôte. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose? Non, non, ils sont en train de, on pourrait le lire, mais on n'a pas le temps, mais ils sont en train de parler, puis le Saint-Esprit descend, boum, puis il est éparpillé. Il n'y a personne qui fait rien, là, ça ne prend pas quelque chose de spécial. Un autre cas, plus tard, qu'on va voir dans Acte 10, c'est quand il y a le premier païen là, qui accepte Christ, Corneille, pendant qu'il est en train d'écouter Pierre, il reçoit le Saint-Esprit, puis plus tard, il se fait baptiser. Si vous voulez lire le texte, c'est dans Acte 10. Donc ça, c'est, il ne faut pas prendre ça comme la norme. Okay? Il y a quelqu'un qui accepte le Seigneur, puis il se fait baptiser, puis ensuite il faut lui donner le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Mais si c'est le cas, pourquoi que ça se passe demain? Pourquoi Dieu permet que ça se passe demain, dans cette situation-là, que ça prend que les apôtres se déplacent? Parce que là, ça prend des journées. Là. Se déplacent pour aller voir, puis ensuite... à travers d'eux, que le Saint-Esprit arrive et qu'il puisse témoigner de ça. Puis je viens de vous donner une piste. Je vous propose quelque chose. Quand, premièrement, c'est quoi un apôtre? Un apôtre, c'est un envoyé. Mais ce n'est pas un envoyé comme si j'envoie quelqu'un faire les épiceries. Là. Okay? Ce n'est pas ça pour tout. Un apôtre, d'après les Grecs, c'est comme un ambassadeur, là, si vous voulez. Mais comme un ambassadeur à l'ancien, là, pas un ambassadeur qui prend le téléphone et dit ah, « je fais quoi maintenant ?» C'est un ambassadeur qui a pleine puissance. Puis le mot en français, c'est plénipotentiaire. C'est comme, je te donne une commission, va, fais-le là, puis arrange-toi avec, t'as tout ce qu'il faut là, puis tu as le pouvoir pour le faire, prends la décision qu'il faut. Okay? C'est un représentant, c'est un ambassadeur, c'est ça un apôtre. Fait que, c'est quoi commence, on voit qu'il y a une certaine évolution dans le ministère des apôtres. Je vais juste prendre trois épisodes, il y en a beaucoup d'autres, là, mais ça, c'est assez marquant. Premièrement, allez dans Matthieu 10. C'est quand ils sont institués apôtres pour la première fois. Puis, ça arrive ce que je viens de dire. Là. Donc, la première chose, donc Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il lui donne un pouvoir puis dit, OK, go. Ensuite, ils vont se promener par le village, etc. Donc, ça, c'est comme le début, c'est ça. C'est comme des outils pour faire le travail. Mais ensuite, il y a une certaine progression dans le travail que les apôtres font. Puis vous allez voir, juste quelques versets plus tard, dans 10, restez dans le même chapitre, versets 5 et 6, c'est la première commission qu'il donne aux apôtres après y avoir reçu ce pouvoir. OK, Jésus dit, OK, ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. Faites attention. N'allez pas dans les contrées païennes et n'entrez surtout pas dans les villes de la Samarie. Wow. Ça fait que là, ce que Philippe est en train de faire, là, ça ne marche pas là, avec les Samaritains. D'après les commandements qui sont reçus de Jésus ici, à ce moment précis, en Matthieu 10, mais il faut commencer par le peuple des Juifs. C'est là que le Messie a été promis. La promesse de Dieu, c'est envoyé aux Juifs. Il faut s'en occuper en premier. Puis c'est là qu'il commence. Mais Dieu veut qu'il progresse, ce ministère des apôtres. Pourquoi? Pourquoi il voulait qu'il progresse? Qu'il change? C'est quoi qu'il avait promis à Dieu? C'était pas juste pour les Juifs, là. C'est pour tout le monde, là. Pour toi et puis moi. Sinon, on ne serait pas ici ce matin. Mais là, comment est-ce que Dieu fait? On voit que c'est comme une espèce de formation. Commencez avec les Juifs, vous êtes des Juifs, vous connaissez les Juifs, puis ils ont besoin de recevoir ça, puis en plus, ils ont reçu la promesse. Maintenant, comment est-ce qu'on avance? On s'en va à l'autre point de l'espectre, dans Éphésiens. Allez avec moi, Éphésiens 3. Ça, c'est après, c'est l'évolution dont je vous parle. Éphésiens 3, versets 5 et 6. Ça, c'est Paul qui parle. Il est en train de parler de son ministère de Paul envers les païens. Donc il dit, en effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Wow, ça c'est nouveau là. Tout l'Ancien Testament là, c'est centré sur les Juifs, puis de façon périphérique sur les peuples autour. Là, ils viennent d'ouvrir ça là. C'est plus les Juifs là, c'est tout le monde là. Les païens, c'est toi puis moi. Okay? Donc, comment est-ce qu'on passe de occupez-vous-en des Juifs à tout le monde? On voit que ça, c'est, à mon avis, c'est une première étape. C'est l'événement qu'on vient de voir avec le Saint-Esprit. Donc, on va voir ça du point de vue des apôtres ici, OK? Puis, j'ai fini bientôt. Donc, qu'est-ce qu'ils voient les apôtres? On retourne dans le texte de Acte 8. Pour une dernière fois. Verset 14. Donc, l'église de Jérusalem est éparpillée, ils sont partout. Les apôtres, ils restent à Jérusalem. Mais, les nouvelles, ça se promène. Hein? Ça prend un certain temps, là, parce qu'il n'y a pas de courriel à l'époque. C'est avant l'Internet, ça, pour les plus jeunes. Fait que, il apprend qu'il y a quelque chose qui se passe en Samarie. Quand les apôtres restaient à Jérusalem à prier que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Ça ne dit pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont voulu vérifier que c'est la vraie parole? Ils ont voulu voir, là, est-ce que, waouh, ça c'est nouveau. Est-ce qu'ils ont voulu participer à ça? Ça, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que il dit, OK, il faut y aller. Donc, il prend deux personnes, puis l'envoie. Okay. Puis, pas n'importe qui, là. Pierre et Jean. Pierre qui était censé être la pierre angulaire de l'Église, là. C'est comme... S'il y a quelqu'un avec du drive, là, c'est Pierre. Fait que... La première chose, là, les apôtres sont interpellés. Ah, il y a quelque chose qui se passe. Là, Jérusalem, ça va, là, jusqu'à date. Les convertis, c'était des juifs, des prosélytes, que c'était des juifs importés là, d'ailleurs. Là. Mais les samaritains, là, c'est quoi cette affaire là? Parce que les samaritains ne sont pas des juifs. Là. En fait, ils sont mélangés, puis ils croient d'autres choses. Là, ça, je ne sais pas. Fait que, ils s'en vont. Pierre et Jean s'en vont là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Très important. Ils se rendent sur place. C'est quoi qu'ils remarquent? Verset 15, « Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. » Donc, mettez-vous dans la peau des apôtres. Tu arrives dans un endroit, supposément ici, on prêche l'Évangile. Okay? On vient voir, on écoute, puis on voit qu'il y a quelque chose qui manque ici. Okay? Le Saint-Esprit est pas là. J'aurais pu faire demi-tour et dire, franchement, là, ça, c'est pas de Dieu. Là. C'est clair parce que le Saint-Esprit n'est pas ici. Là. Ça fait que j'ai rien à faire ici. Bye, ciao. C'est pas ça qu'ils font. Ils se laissent, c'est ça mon interprétation, les apôtres, ils se laissent manipuler pour le Saint-Esprit pour reconnaître que là, il faut le faire. Le fait que ces personnes-là, ils n'aient pas le Saint-Esprit, la bonne nouvelle était prêchée, là. Il se laisse utiliser. Il enlève ses préconceptions. Ils vont prier pour ce monde-là. Et le Saint-Esprit va descendre sur ces personnes-là. Ils vont imposer les mains, puis ça va arriver. Les apôtres sont en train de témoigner de ça. Le Saint-Esprit qui avait été dédié aux disciples à Jérusalem, là, on voit là, devant moi, ça s'est passé. In my face. Devant moi, il vient de descendre sur ces personnes-là. Mais c'est clair qu'on avait mal compris cette affaire-là. Ou notre compréhension, il faut la faire évoluer. Ils se laissent conduire par Dieu, puis ils font ça. C'est où l'évidence qu'ils ont compris? C'est le dernier verset du texte, c'est le verset 25. Donc ils se sont allés là, à cette ville-là, ils voient ça, ils font ce qu'il faut faire, ils vont prier, mais dans le chemin de retour, ils sont tellement compris là, qui ne retournent pas direct à Jérusalem. Ils vont dire, Pierre et Jean continuèrent à rendre témoignage à Jésus-Christ, donc ils restent dans ces coins-là, en annonçant la parole du Seigneur. Puis ils retournèrent à Jérusalem, mais tout en annonçant la bonne nouvelle dans son grand nombre de villages samaritains. Là, ils ont compris. Ici aussi, là. On pensait que ce n'était pas ici. Ici, il faut le faire. Ça fait que ça, c'est le même Pierre que plus tard, il va avoir cette vision de la nappe avec la bouffe qui était interdite aux Juifs. Là. Et Dieu va lui dire, OK, ce n'est pas juste les Juifs et les Samaritains, c'est tous les païens, c'est tout le monde. Ça fait que Dieu forme ses ouvriers, il leur montre des choses. Il n'envoie pas une lettre certifiée. Là. En marchant avec Dieu, puis en se laissant guider par Dieu, Dieu lui montre que maintenant, ça se fait de même. Là. Donc, pour conclure, on a parlé de Simon, on a parlé de sa porte. Donc, mon appel pour vous, comment ça s'applique à toi et moi, là, aujourd'hui? Ben, premièrement, on est des nouveau-nés, là. C'est pas juste un concept. Ça fait que, est-ce qu'on est capable vraiment d'abandonner notre vie nature devant Christ, là? Puis dire, oui, je sais, là. Franchement, là, ça ne va pas cher mon affaire, mais ça, c'est plus moi. Là. Je le laisse devant toi. Je ne suis plus obligé d'embarquer là-dedans. Là. Dieu nous donne la liberté d'abandonner ça. Si on reste avec, c'est parce qu'on veut rester avec. Puis si on se croit incapable, c'est un mensonge. Ça, c'est le diable là, t'es en train de parler. Là. C'est pas vrai? Dieu t'a fait de nouveau. C'est comme un potier, là. T'as cassé un morceau, il a pris le même matériel, là, puis il a refait un autre vase. Ça fait que ça fait mal, ok, quand on casse là, l'argile. Là. Mais si ça fait pas mal, c'est un indice qu'il n'y a rien qui se passe. Mais si ça fait mal, mais Dieu va faire de quoi avec ça. Okay. Deuxièmement, face à la tentation, face au péché, mais premièrement, accepte l'exhortation. Là. Pierre voit quelque chose puis dit, en fait c'est assez fort là, le discours de Pierre, là, c'est à l'enfer avec toi puis ton argent. Là. Il ne s'attendait pas à ça, Simon, j'ai l'impression. Okay. Mais comment est-ce qu'il reçoit ça? Mais il accepte l'exhortation. Si t'es fâché, là, tu viens de décrocher, tu n'entends plus rien. Là. Si on se fait exhorter, puis on tombe en mode caché, fâché là, dans ta tête, là, tout ce qui suit, là, on passe à côté de la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il faut se repentir, il faut demander pardon. Si vous êtes fâché, vous n'allez rien faire de tout ça, là, c'est certain. Oui, mais avant ça, il faut regarder autour de toi, là, parce que tu as fait des dégâts peut-être avec ta faute. Est-ce qu'il y a des choses à réparer? On voit dans l'Ancien Testament que le concept de pardon, c'est correct, là, mais ça prend la réparation aussi. Là. J'ai fait quelque chose contre toi, là, mais là, ok. Je te demande pardon. Je me sens pardonné, tu m'as pardonné. Ok, là, je vais essayer de réparer ma faute. Il y a des fautes qui sont plus faciles à réparer que d'autres. Il y a certaines qui sont presque impossibles. Il y a certaines qui vont me prendre toute ma vie. Là. Dans le cas des apôtres, est-ce qu'on est capable de rester ouvert à ce que Dieu veut nous communiquer? Dans le cas des apôtres, c'était là, il faut élargir votre ministère. C'est plus juste les Juifs à Jérusalem, là. Il faut bouger, là. La dispersion, là, ça vient de moi, là. Ce que vous avez vu, là, le monde qui s'en va partout, là, ça vient de moi. Puis là, il faut prêcher partout. Ça fait que vous, les apôtres, là, vous devriez comprendre ça. Ils ont été prêts à faire ça. C'est justement lui qui connaît son plan, pas nous. On peut tirer des conclusions, souvent erronées, par rapport à la volonté de Dieu. La seule façon de trouver la volonté de Dieu, c'est marcher jour après jour, puis dire, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, là, on est en train de faire ta volonté? Ou est-ce qu'il faut qu'on change quelque chose? Ce qui était bon hier, peut-être qu'il faut l'adapter, il faut le modifier pour faire d'autres choses que Dieu nous demande.